Le berger et la boulangère sont debout près du comptoir, très gênés. Antonin les regarde, de l'air surpris. Le berger ramasse sa fougasse qui est tombée sur le sol. Alors, je vous remercie bien. Elle m'a donné cette fougasse. Elle est belle. Antonin tend son petit paquet à la boulangère. Madame Aurélie, c'est des anchois. Votre mari m'a dit de les mettre sur la balance. Pour ma fougasse, vous lui direz que je l'aime pas trop cuite. Il va sortir, il essaie d'entraîner le berger. Tu viens, Dominique? Oui, je viens. Alors, au revoir. Au revoir, berger. Antonin pousse doucement le berger vers la porte. Aurélie, comme attirée, veut le suivre. Antonin la retient. Ne vous dérangez pas, madame Aurélie. Vous prendriez froid comme ça. Je les fermerai, les volets. Votre mari, c'est un brave homme. Hein? Il sort. Adieu, boulanger. Merci, boulanger. De rien, berger, de rien. Il referme les volets. Aurélie! Tu n'as pas pris froid, au moins? Non. Hein? Dis, tu lui as donné bien gentiment? Oui. Bon, alors ils sont contents? Oui. Ah ben alors je me couche. Elle se recouche. Il est à la lampe.